Chapitre 32e. Trahison. Desserre avait pris sa décision, il allait trahir. Il n'en était pas fier, mais il n'avait plus le choix, il était à bout. Bientôt, au rythme où allaient les choses, il ne parviendrait plus à donner le change. Il buvait beaucoup trop, et la dernière fois, il avait senti Terminal sur la défensive. Desserre avait compris qu'il était prêt à le lâcher. N'étant pas lui-même totalement stupide, il avait parfaitement saisi le plan de Terminal pour le prochain coup, ne s'appuyer que sur Simiane, Pardet et Berthelot. Seulement, c'était une double erreur. Premièrement, parce que Simiane était trop jeune, aussi dur soit-il. Il n'avait pas 15 ans, et même s'il possédait une dextérité certaine au couteau, c'était encore un peu juste, et surtout il n'avait pas encore assez de muscles. Deuxièmement, c'était donner bien trop d'importance à un Berthelot qui n'attendait que cela. Desserre savait que Berthelot voulait prendre la tête du club. Certes, il n'avait jamais osé le dire, mais toute son attitude le trahissait. Il avait cette voix naturellement puissante qui donne les ordres. Il se voyait parfaitement tout diriger et ne prendre aucun risque. Desserre avait aussi compris qu'en fait, il était lâche. Il ne débutait jamais une attaque, au contraire de Simiane, qui n'avait pas froid aux yeux. Berthelot se contentait de suivre. Quant au nouveau Pardet, il était un peu trop neuf pour pouvoir juger de sa capacité réelle, même si c'est vrai, il s'était bien débrouillé avec l'épicerie. Au moins il paraissait solide, ce qui était toujours bon à prendre. Desserre sentait qu'une nouvelle action se préparait, il se devait d'en être. Aussi, il espérait renseigner au mieux le type qui s'était déjà rendu 3 fois aux Tournelles. Il l'avait vu de loin, très classe. À son allure, jamais il n'aurait deviné qu'il était flic. Il n'avait pas de bide et ne faisait pas du tout sa cavinasse. Grâce à Irène Sablon, Desserre avait appris son nom. Il savait parfaitement qu'elle avait un petit faible pour lui, Desserre, et qu'elle rêvait de jouer les consolatrices. Surtout depuis qu'il avait cette affreuse mine de papier mâché, elle devait le trouver plus romantique. Quant à lui, il devait bien s'avouer qu'elle lui était parfaitement indifférente, même si c'est vrai, elle conservait de très belles jambes. Seulement elle se fagotait mal, et elle était trop maquillée. En plus, elle tenait une sacrée couche. Bon, ça l'arrangeait plutôt, car elle constituait une précieuse source de renseignements. Puis elle avait vraiment l'air de se soucier de sa santé. Depuis un certain temps, elle le suppliait de se faire appeler un médecin, ce qui n'était peut-être pas si bête. Maintenant que sa décision était prise, il devait se reposer, et ce n'était pas avec ses maudits correspondants qu'il allait le faire. Eux aussi picolaient sec. Il n'y avait qu'à voir le stock de bière qu'ils avaient avec eux. Seulement, ils n'étaient pas du genre partageur, ce qui avait salement tendu l'ambiance. Desserre, sagement, avait préféré ne pas s'en mêler. Il avait son propre stock de bourbon aussi, n'était-il pas en manque. Au moins c'était du bon, et pas de la bière infecte de supermarché. C'est pour cela qu'il lui était de plus en plus difficile de décrocher, alors qu'il devait absolument y parvenir. Il ne pouvait pas se permettre de craquer. C'était encore un peu trop tôt. Surtout, il risquait bien de produire l'effet exactement inverse de ce qu'il recherchait. Ce que lui voulait, c'est que toute la bande tombe et que tout soit puni. Tant pis s'il devait y gagner quelques années de zanzon. Cela lui apprendrait au passage à ne plus se laisser bêtement manipuler, ce qui ne serait peut-être pas un mal. Peu à peu, la lettre prenait tournure dans son esprit, mais il n'était pas encore tout à fait prêt à la rédiger. Il devait choisir le bon moment et surtout être suffisamment sobre. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir une écriture tremblée. Cela révélerait trop de choses, même si, vu les faits, cela ne portait guère à conséquence. Il savait parfaitement ce qui l'attendait. En attendant, il voulait parvenir à ses fins. Il devait absolument se reprendre et parvenir à l'abstinence totale, ce qui, au regard de sa consommation actuelle, n'était pas gagné. Il lui fallait prendre un nouveau départ. Heureusement, il savait parfaitement par où commencer. Il devait se remettre à bosser. La roue libre ne lui convenait pas du tout. D'ailleurs, Janson, le nouveau prof de maths, l'avait très bien senti. Son dernier devoir avait été copié d'un « vous pouvez faire beaucoup mieux », qui n'était que trop vrai. Il avait décroché sans effort un minable 11, alors que s'il s'en était donné les moyens, le 15 était à sa portée. Même son de cloche de la part de Goudreau, le prof de français, qui lui non plus ne ménageait pas ses encouragements depuis quelques mois. Un intuitif, ce Goudreau. Il avait rapidement compris que quelque chose n'allait pas. Il avait même tenté à plusieurs reprises de lui tirer les vers du nez, mais Desserre avait mis toute son énergie restante à tenir bon. De toute façon, que dire? Comment lui expliquer qu'il avait gratuitement massacré une petite vieille inoffensive et que depuis son visage tuméfié hantait ses rêves? Et dans son esprit, il n'y avait aucune ambiguïté. Il avait su dès le départ que c'était mal. Seulement, à cette époque-là, il était encore fou de terminal. C'était sans doute une piètre excuse, mais c'était ainsi. Depuis, bien sûr, il avait compris. Mais c'était trop tard pour revenir en arrière. La vieille était morte, tout comme Pardet. Desserre se regarda une nouvelle fois dans la glace. Irène Sablon avait raison, il n'était pas beau à voir. Il devait vraiment se bouger. Ses cheveux étaient trop longs et il avait le teint bilieux. Soudain, il prit sa décision. Il allait se remettre à courir. Cela lui avait toujours réussi par le passé. Il commencerait par une demi-heure intense. Ensuite, il prendrait une bonne douche et ôterait toute cette crasse accumulée. Il s'habillerait de frais. Il serait sobre pendant les cours. Oui, c'est ce qu'il allait faire. Maintenant, il le sentait. Il était enfin de retour. Pas besoin d'infirmerie. Il devait affronter Terminal seul. Girardin reçut l'information qu'il attendait en pleine nuit, mais quand il en comprit l'importance, la chose ne le dérangea pas le moins du monde. D'ailleurs, le téléphone n'avait même pas réveillé Céline. Une fois de plus, il put remercier sa bonne étoile. Il avait vu le Joffre un peu plus tôt dans la journée, et coup de chance, le bateau était toujours immatriculé. Le localiser n'était plus qu'une question de temps. Il pouvait informer Dutilleul dès à présent de se tenir prêt. Il savait aussi que Yann ne lâcherait pas, même si la tâche n'était pas facile. Heureusement toutefois que sur la photo, il y avait le nom. Ainsi cela réduisait le périmètre des recherches. Le goéland. Nom banal, mais en voyant la photo, le Joffre avait pu identifier très précisément le bateau. Il avait une bibliothèque impressionnante, et si Girardin l'avait laissé continuer, le Joffre lui en aurait donné toutes les caractéristiques techniques. Plus intéressant, il lui avait dressé le profil psychologique de celui qu'il recherchait. S'il l'a toujours, c'est que c'est un inconditionnel du First. Certaines personnes sont comme ça. Une fois qu'elles ont trouvé le bateau qui leur convient, elles n'en changent plus. À l'époque, quand il l'a acheté, c'était une sorte de must dans sa catégorie. Très beau, mais très cher. Il l'a sans doute acheté à crédit, payable sur plusieurs années. Une fois que tu l'auras trouvé, demande à voir le carnet de bord. Je te parie qu'il n'a pas dû connaître beaucoup d'avaries. C'est certainement un respectueux, mais ça, c'est facile à comprendre. On ne s'achète pas un bateau de ce type pour faire l'imbécile avec. Girardin avait alors demandé combien de temps cela prendrait pour avoir le renseignement tant convoité. Le Joffre l'avait alors interrogé. « C'est vraiment important ?»« Capital. »« Je vois. Laisse-moi encore une semaine. Je suis sûr d'avoir des résultats. »« Ok, Yann. » Mais cette fois, je n'ai pas droit à l'erreur. Yann Le Joffre avait parfaitement saisi le message. Une fois de plus, Paris n'affichait pas ses plus beaux atours, mais Dutilleul s'en moquait bien. Il faisait bon dans son bureau, et il avait enfin quelques espoirs concernant l'affaire Pradier. Son assistance à ne pas rappeler Girardin portait enfin ses fruits. Une fois de plus, celui-ci avait trouvé l'introuvable. Aussi lui avait-il accordé de bon gré une semaine de vacances. Il avait bien le droit de profiter un peu de sa famille. Le plus beau était que lui aussi, Dutilleul, avait vu le cliché du bateau puisqu'il avait le dossier en main. Seul Girardin en avait saisi toute l'importance, d'où la preuve qu'il était un tout bon. Morand risquait d'en être complètement dépité. D'un autre côté, la filature de Thérèse Turandeau était trop neuve pour donner quelque chose, mais petit à petit, Dutilleul en apprenait un peu plus sur les autres habitants de l'immeuble. Heureusement, il était petit. Le tour serait donc vite fait. Il y avait 5 étages, 3 appartements par palier. Pas la mer à boire, d'autant plus que le rez-de-chaussée était occupé par un petit commerce de fleurs, ce qui laissait 12 appartements à vérifier. Le mûrier avait bien avancé de ce côté-là. L'ingénieur chez qui se rendait la fille, un certain Jean-Patrick Séverin, occupait un 2 pièces au second, porte gauche. L'appartement ne lui appartenait pas. Une tante le lui prêtait gracieusement. Dans celui de droite, il y avait un jeune couple avec un bébé de quelques mois. Celui du milieu était occupé par un professeur de piano. Le troisième étage était occupé par une seule famille. Le père était un gros représentant de commerce. La femme ne travaillait pas. Il y avait 6 enfants, âgés de 2 à 12 ans, tous scolarisés dans le quartier, une famille qui ne posait aucun problème. Le 5e étage était celui des chambres de bonne. Une était inoccupée, elle était en trop mauvais état. Les 2 autres étaient occupées par un vieux monsieur et une élève infirmière. Au premier, l'appartement de gauche était occupé par un autre jeune couple. Celui de droite était occupé par une vieille dame qui se rendait souvent en province. Les Muriel l'avaient vue 2 ou 3 fois avec une valise. Enfin, dans celui du milieu, il y avait celle que Lémurier avait affectueusement baptisée sa bavarde. C'est par elle qu'il tenait tous ses renseignements. Elle était intarissable. Naturellement, elle avait immédiatement repéré l'élève des Tournelles, Thérèse Turandot, parce qu'elle ne trouvait pas cela convenable qu'une jeune fille comme ça se rende chez un homme seul. Certes, elle n'avait rien à reprocher à ce Séverin qui était toujours très correct. Au moins, ajoutait-elle, il est bien élevé, pas comme certains. Le certain en question était le professeur de piano, un certain Jean-Marc Andrieux. Il ne dit jamais bonjour. En revanche, c'était assez ennuyeux que Lémurier se soit fait repérer si vite. Toutes les précautions qu'il avait prises s'étaient révélées insuffisantes. Si la bavarde l'avait découvert, quelqu'un d'autre pouvait faire de même, ce qui pouvait à terme compromettre la suite de l'enquête. Il fallait convoquer Lémurier de toute urgence et lui dire de redoubler de prudence. Autre souci, les contrôles intempestifs de Madrier, qui entendait garder un œil sur sa protégée. Heureusement, il se pointait toujours vers la même heure, mais c'était gênant. Dutilleul essayait toutefois de rester confiant. Si cela tournait vraiment au vinaigre, il pouvait toujours envoyer Bellegarde, même si pour l'instant, il préférait le conserver comme joker.